tracer les timides ou réservés, silencieux, cachés, discrets, mais réveillés. Anonyme probablement, oui, mais respirant par milliers, bien vivant, terrés dans leur maison fermée. Entendez-vous le battement des cœurs d'humains froissés, tassés? Le volcan glacé pourrait se réveiller. Silencieux, cachés, discrets.